Oh, oh, oh, oh. Je profite de cette accalmie pour prendre la parole. Très bon morceau, n'est-ce pas, Paul, du trio Thurston Moore, John McPhee et Bill Nace. Pardon, hein, c'est un peu mou, mais je suis embarrassé par la technique. Hop, c'est bon. La voix. Oh, ça a marché. J'ai pané un peu les voix, voilà. Donc c'est en gros, voilà, une date anniversaire, c'est un rituel pour les entretiens de Grenoble de faire une émission le 6 août. Voilà, c'est la date où Thierry est mort il y a 3 ans. Voilà, bon, ça peut sembler un peu morbide, mais c'est plus une occasion d'écouter de la bonne musique. Voilà, on va dire. voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre par la suite? J'ai choisi un disque de The Blue Humans avec Rudolph Gray, Beaver Harris et Arthur Doyle. Voilà, c'est un live à New York en 1980. Voilà, on va mettre ça. Donc j'utilise ma chaîne Hi-Fi, donc les transitions vont être un peu abruptes et rocambolesques. Non, oui, voilà. Je passe d'une fonction à l'autre. The Blue Humans. On va écouter ça. Now, ladies and gentlemen, please welcome the Blue Humans. Ensemble. On écoute ça, merci. Thank you. Yes. Ça joue, hein, ça joue pas mal. Ça joue bien. Excellent, personnellement je connaissais pas The Blue Humans. Mais voilà, c'est super. C'est un disque sorti sur le label Audible Hiss en 95. Je baisse un peu. Voilà, il y a 4 morceaux. Voilà, t'as un truc à ajouter, Paul, non? T'aimes bien ce disque ou pas vraiment? Ouais, je connaissais pas. Ouais. Je connais Arthur Gold. Ouais. Rodolphe Gray, c'est le guitariste, j'imagine. Arthur Doyle, ouais, il joue dans d'autres groupes ou pas, non? Je connais que ces trucs solo. D'accord. J'ai l'impression qu'il joue avec tout le monde partout. Je suis assez dilettante en trucs de ce genre-là. Si tu peux parler un peu plus près du micro. Ah oui, pardon. Voilà, là c'est bien. Là c'est bien. Ok. Eh bien, c'est un très beau disque. Voilà. Avec un beau livret, avec du texte. Merci à tous pour votre écoute. Cette émission, donc, un entretien de Grenoble à Paris. Voilà, ça fait 2 ans, 3 ans que ce rituel se poursuit. On va enchaîner avec un disque de Builders, qui est un groupe néo-zélandais. Ce sont des enregistrements de 80-82. Le disque s'appelle Fiat Lux. Voilà, c'est des morceaux assez courts. Voilà, ben je ne connais pas ce groupe. Donc on va le découvrir ensemble. Voilà. Je te demande un petit peu de... Est-ce que j'enchaîne directement? Allez hop. Voilà. Bonne écoute. Entretien de Grenoble à Paris. Some mystique. Can you you're gonna be a better day. She blows the night.

De Grenoble, spécial Thierry Monnier. On écoute Lauren Connors, le morceau Her Love sur l'album The Departing of a Dream, volume 3, Juliet. Merci à tous pour à tous et à toutes pour votre écoute. À 21h, on passe sur le DAB+. Voilà. On enchaîne avec un morceau d'un artiste qui s'appelle Vivenza. Un disque de 84, ce sont des bruits de machines qui ont été enregistrés à Grenoble, d'ailleurs. Electro Institute. C'est une sortie Rotorelief de 2009. Voilà, donc un bonjour à Pani Morceau qui a produit un disque proche avec des imprimantes. Tout de suite après Lauren Connors. entretiens de Grenoble. Spécial Thierry Monnier, ce soir on passe ses morceaux. On réécoute ce qu'il a réécouté, voilà, on pense à lui. Tranquillou, je suis avec Paul. Paul, ça va toujours? Ça va. Bon, très bien. On écoute... Qu'est-ce qu'on a mis? Ah oui, j'ai pas dit... Aaron Dillaway. Ouais, Aaron Dillaway, exactement. Qui a suivi un disque de Vivenza, dont j'ai parlé déjà. Le morceau s'appelait Prolétariat Industrie, qui était très répétitif, mais bon, comme le sont les machines. Et ça, c'est... ah oui. The Chain... C'est ça. Chain Shot. Voilà, donc Dillaway, 100% Dillaway, avec ses boucles. Donc, avec une boucle de delay, je sais pas, il y a une photo de son setup, mais on voit pas très bien ce que c'est. Il utilise des cassettes 8 pistes, ouais. Oui, oui. Près de la bouche. Oui, oui, effectivement. Mais là, je sais pas s'il les utilise. En tout cas, il y a deux... On voit deux lecteurs cassettes. Hein. C'est un vieux CD, non, il me semble. Je sais pas de quand il date. 2007. Ouais. Ouais, vieux, c'est quand il habitait encore à Ann Arbor, Michigan. Après, il a déménagé à Oberlin, Ohio. Hein? Qui connaît tout ça? Oui, enfin, je l'ai rencontré ah ouais. quand je vivais au... dans l'Ohio, justement. On est allé le voir dans sa boutique chez lui à Oberlin. Okay. Ouais. Il y avait une petite histoire avec un copain, mais bon, je parlais d'un autre. On va revenir en Nouvelle-Zélande avec un album de Gate qui s'appelle Damned Revolutions. Sorti en 2012 sur Ultramarine Records. Ce sera la face à... On va faire un cut violent puisque j'utilise ma chaînifie pour faire cette émission. Cut. J'aurais dû attendre un peu. Voilà. C'est parti, Gate. Voilà, c'est ça, Thierry. Big up. Bonjour à Pierre Fort s'il nous écoute. Thank you. Paul, on a le droit de dire ton nom, Paul ? Ouais, bien sûr. Mais t'as pas de nom d'artiste ? Non, j'ai pas de nom d'artiste. Disposition Matrix. Ah ouais, peut-être que je sais pas s'il est toujours d'actualité. J'y réfléchis, je vais voir. Ok. Avec Paul. Paul, je vais juste t'appeler Paul. Pas mal. Vas-y. On écoute donc une émission, je le répète encore, hein, spéciale, comme si les gens venaient en cours de route. Une émission spéciale Thierry Monnier. On écoute John Fay. C'est une compilation de morceaux qui s'appelle The Dance of Death and Other Plantation Favorites. Donc c'est sûrement des thèmes connus, j'imagine. Voilà, c'était produit en 1964. Que dire de John Fay, bon, tout le monde connaît un peu, au moins de loin, quoi. Voilà. Tacoma Records. Voilà. Je voulais juste dire que il y a un morceau de John Fay que Thierry m'avait joué voilà, peu avant sa mort, pardon, c'est Christ There Is No East or West. Voilà. C'est super. On peut laisser ce morceau et ensuite on va enchaîner sur quelque chose de pas vraiment proche mais quand même assez proche. C'est les fameux ou pas Basalt, un groupe de l'Ohio composé de Don Howland et Bim Thomas. Le titre le plus connu c'est Daughter. Donc c'est guitare batterie. Un album de reprises. Le premier morceau, c'est une reprise de The Groundhogs qui s'appelle Expressman. Merci à tous et toutes pour votre écoute. Les entretiens de Grenoble à Paris. Émission annuelle spéciale Thierry. J'ai pas attendu assez longtemps. C'est vrai. Ah mais non, je me suis trompé de son. Ouais,